plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Légère comme l'eau qui descend des rivières, tu te moques de la terre entière. Amore caro, amore bello, je ne t'aime plus. Tu jettes dans mon cœur une étrange lumière, un soleil qui se change en misère. Amore caro, amore bello, je ne t'aime plus. Un autre près de toi et il me ressemble déjà. Il doute comme moi, et c'est pour lui que je suis là. Toujours entre nous, mais je te parle et je sais que tes yeux me voient comme un enfant qui a peur d'être un homme. Amore caro, amore bello, je ne t'aime plus. Était là, elle dormait dans mes bras. Elle, avec moi, c'était trop bien. Mais voilà, par habitude, j'étais sûr de la garder. Par lassitude, je l'ai perdue à jamais. Elle était belle. Elle était belle, je ne voyais qu'elle. Pourtant elle est partie un matin. Je me rappelle qu'elle était belle. Pourtant un autre lui a pris la main. Et je l'appelle encore aujourd'hui. Sans elle je suis perdu et je crie. Elle était là et l'on faisait

moi. Me revoilà. J'ai pleuré des années, pourtant c'est moi. C'est moi qui suis devant toi, en peau de chagrin. Je ne changerai rien. J'ai mal sans tes colères. J'ai mal, pourtant je suis heureux comme ça. Je ne pourrai jamais vivre sans le mal de toi. Écoute bien les cris de ma prière. Il te parle d'amour et d'avenir. J'ai mal, je t'aime et je suis sur la terre. Qu'on abandonne, c'est toi qui fais si bien courir les hommes. Oh, dis, sais-tu pourquoi je prie? J'aime ce chemin de croix, qu'il ne s'arrête pas. Le mal que tu me donnes, quand mes mots sur ta peau nous font du bien. Et puis tout le mal qu'il faut pour détacher nos mains. Écoute bien les cris de ma prière. Il te parle d'amour et d'avenir. J'ai mal, je t'aime et je suis sur la terre, sans personne pour mourir. Ce soir, je vais t'aimer jusqu'à la fin des temps, pour le sourire et l'existence d'un enfant. Bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Qui m'a laissé cette image? Qui a fait un si beau visage? Qui est l'artiste? Quel génie? Quel bon Dieu? Je n'en crois pas mes yeux, de ces yeux-là. Vient ce bleu, ce parfum qui a pris mon cœur par la main. Qui m'a laissé cette image, ce visage, moi qui n'attendais plus rien. Je l'aime tant, elle me surprend à chaque instant. Je l'aime tant. À la maison, j'ai un diamant à ma façon. Je l'aime tant. Mon chemin, des paysages, des paysans me disent que j'ai raison. En attendant, je suis au mieux, je suis heureux, je l'aime tant. Qu'est-ce que tu crois? Je suis debout, le cœur en croix, qu'est-ce que tu crois? En attendant, je suis toujours chanteur d'amour pour les enfants. Vivre d'amour, c'est pas un scoop pour les journaux, ça n'intéresse personne. En attendant, elle me surprend à chaque instant, je l'aime tant. Qui m'a laissé cette image? Qui a fait un si beau visage? Qui est l'artiste? Quel génie? Quel bon Dieu? Je n'en crois pas mes yeux, de ces yeux-là. D'où vient ce bleu, ce parfum? Qui a pris mon cœur par la main? Qui m'a laissé cette image, ce visage? C'est pour moi qui n'attendais plus rien. Je l'aime tant, comme un seigneur, comme un enfant. Je l'aime tant. Je sais comment la retenir, comment lui dire je t'aime tant. Sur mon chemin, les paysages des paysans me disent que j'ai raison. En attendant, je l'aime tant, elle me surprend à chaque instant. Je l'aime tant, comme un seigneur, comme un enfant, je l'aime tant. À la maison, j'ai un diamant, à ma façon, je l'aime. Toujours plus loin, encore plus haut, pour atteindre. Soudain tout est magique, je me sens bien dans ma peau. Je veux m'envoler et nous offrir des lendemains. Tenir son corps serré, les poings. Laissez-moi vivre une histoire d'eau. Sur la montagne, comme dans l'arche de Noé, j'ai retrouvé au fond des cales les restes d'une société. C'était avant la fin du monde, juste avant la grande marée, que le bateau sur la montagne sauver ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé accroché aux chaînes des fusils qu'on avait jetés et la bannière américaine dont les étoiles étaient tombées. J'ai trouvé la dernière baleine et quelques autres mammifères. D'avoir pollué l'eau de la mer. Dans le bateau sur la montagne, j'ai trouvé des gens décidés qui avaient échappé au drame mais qui n'avaient pas oublié. C'était pour faire un autre monde. Ensemble, ils s'étaient embarqués dans le bateau sur la montagne, comme dans l'arche de Noé. J'ai trouvé accroché aux chaînes des fusils qu'on avait jetés et la bannière américaine dont les étoiles étaient tombées. J'ai trouvé autres mammifères qui pardonnaient au capitaine d'avoir pollué l'eau de la mer. J'ai trouvé la dernière femme émerveillée par son enfant qui ensemençait la montagne, le blé qui combattront le vent. Fais de toi une autre fille et te donne un visage qui t'éloigne de moi. Pourtant, tout au fond de tes yeux, il reste encore cet air qui n'appartient qu'aux anges du matin. Les anges du nuit, nos rêves se ressemblent et nous rendent

je vais relire et rajeunir nos sentiments. Un rire de toi et je m'envole comme un oiseau de nuit rase la mer luisante avant l'accord de nos deux corps. Quand les paroles de nos émois se font violentes, rien n'est plus fort qu'un cri de joie pour couper court au temps qui court. Envole-moi. L'amour n'a plus de sang dans les veines, de sang chaud ou de sang froid. N'aie pas peur, tire sur moi. Histoire de dire nos sentiments, de réécrire les envolées de ta jeunesse. Je vais tout dire avec talent en regardant nos doigts brûlés par les caresses d'un élixir euphorisant. Je vais relire et rajeunir nos sentiments. L'amour n'a plus de sang dans les veines, de sang chaud ou de sang froid. N'aie pas peur, tire sur moi. Avant que n'arrive un rival.

Oui, j'ai fait l'amour avec elle. De toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens, on va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si bien, amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens, on va vivre la main. Sur les murs de la vie, amoureux, malheureux, ça ne fait rien, ça ne fait rien, c'est pourquoi je crie, reviens, on va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si bien. Jardin de fleurs en papier. Plus jamais nous n'irons pêcher avec les cormorans. Je t'ai laissé mon nom sur l'abricotier. En passant devant, pense à moi de temps en temps. Ça. J'irai embarquer sur la rivière du printemps. Je prends l'écharpe de soie que tu m'as donnée. Je la porterai pour me protéger du vent. Sayonara, que la vie était belle. S'en ira. va, tout en douceur, tout va de soi. Tout n'est pas rose, tout seul, tout ne va pas pour tout comme ça. Toutes ces fleurs que l'on ramasse ou qu'on achète, pour ce qu'on aime et pour tout ce que l'on regrette. Tout est lilas avec le temps qui va tout doux. Tout est pour toi, tout, tout, tous les camélias pourront faner. Un parfum viendra nous apporter toutes les pensées que l'on s'envoie, les gueules de loup, les fleurs en soi, tous les soucis, les fleurs tabous, les immortels que l'on reçoit. Tous les caméléas pourront faner. Un parfum viendra nous apporter tous les bouquets d'anniversaire, les impatientes en apparat, embaumer la fête des mères, les bras chargés de baccarat. Tous les caméléas pourront faner. Un parfum viendra nous apporter toutes ces fleurs que l'on ramasse ou qu'on achète, pour ce qu'on aime et pour tout ce que l'on regrette. Tout ça ira, la vie nous donne tous les atouts et puis nous reprend tout. Tous les camélias pourront faner. Un parfum viendra nous emporter. Tout est lilas avec le temps qui va tout doux. Tout fleurira partout. La pluie à Venise, Bambino, Harlequin, un parfum italien dans Venise. Les palais, des regrets, des chansons, carnaval dans le cœur d'un violon, du génie, du mépris, des salons. Bonjour Marquise, musicien, baladin, bohémien, comédien de Venise. Chaque fois que l'amour s'est enfui, j'ai refait ma valise. C'est Pierrot, c'est Gina qui m'appelle, un gondolier qui chante encore au soleil. C'est Cherbourg, c'est Paris, c'est Marseille qui se déguise. C'est Venise pour l'éternité. Venez me voir pleurer, désespéré dans les bals masqués. Messieurs, applaudissez. Des pianos sur les ponts, des jardins d'émotions à Venise. Je t'attends sous le ciel, des maisons éternelles qui s'enlisent.